Bien. Alors nous avons déjà vu qu'un même mot peut être employé avec différents sens, et cette économie de mots constitue l'une des caractéristiques de l'anglais. L'un des mots les plus couramment employés est le verbe to get, véritable verbe caméléon, qui peut vouloir dire, suivant le contexte, devenir, obtenir ou encore recevoir, et qui est aussi employé dans un certain nombre d'expressions courantes. Par exemple, to get suivi d'un adjectif, comme dans It's getting late, il se fait tard, prend le sens de devenir. Alors, on avait évoqué le mot old, qui signifie à la fois ancien et vieux. Et donc, en employant to get, comment dira-t-on elle vieillit? Comme dans It's getting late, on va avoir besoin de la forme en ing, puisqu'il s'agit d'un processus qui est en cours. Donc, elle vieillit, ça sera. She is getting old. She is getting old, oui. Et maintenant, sachant que quand se dit when, W-H-E-N, et fatigué se dit tired, T-I-R-E-D, comment dira-t-on quand les gens vieillissent, ils fatiguent vite? Nous parlons ici de quelque chose qui se passe habituellement, en général, donc on va employer la forme simple du présent et non la forme en ing. Alors, quand les gens vieillissent, ils fatiguent vite. When people get old, they get tired fast. When people get old, they get tired fast. That's right. Et c'est malheureusement vrai. Ok, are you getting tired? Pas trop, j'espère. Alors, poursuivons notre route en compagnie de notre verbe caméléon. Je voudrais maintenant vous parler d'une expression bien pratique. C'est « to get used to something », qui signifie « s'habituer à quelque chose »,« prendre l'habitude de quelque chose ». Vous aviez peut-être vu avec Michel Thomas l'expression « I am used to doing it ». Littéralement, « je suis habitué à le faire », c'est-à-dire « j'ai l'habitude de le faire ». « Used » s'écrit « U-S-E-D », suivi de « to », T-O. Et le contraire serait donc « je n'ai pas l'habitude de le faire »,« I am not used to doing it ». Mais si ce qu'on veut exprimer, c'est qu'on prend progressivement l'habitude de faire quelque chose, on dira « I am getting used to doing it ». Et au passé, donc quand vous vous y êtes déjà habitué, « I have got used to doing it ». Ou comme le dirait notre ami américain Vincent, « I have gotten used to doing it ». « I have gotten used to doing it ». Gotten, G-O-T-T-E-N. Notez bien que dans tous ces cas-là, « used to » est suivi de la forme en « ing » du verbe. Alors, comment direz-vous, quand je vivais en Angleterre, c'était difficile de prendre l'habitude de conduire à gauche. Et watch out, car « à gauche » se dit en anglais « sur la gauche »,« on the left ». Alors, commençons par le début. Quand je vivais en Angleterre. When I lived in England. When I lived in England, c'était difficile, difficult, de prendre l'habitude de conduire à gauche. It was difficult to get used to driving on the left. It was difficult to get used to driving on the left. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez reprendre la phrase en entier? When I lived in England, it was difficult to get used to driving on the left. When I lived in England, it was difficult, D-I-F-I-C-U-L-T, to get used to driving on the left, donc to get used to driving avec la forme en ing. Michel Thomas avait également introduit un autre emploi de used to dans ses cours. Par exemple, pour dire je le faisais, dans le sens j'avais l'habitude de le faire, autrefois mais plus maintenant. En anglais, on emploie « I used to do it ». Alors, sachant que « every » signifie « chaque », »,« tous les », et « week » signifie « semaine », nous l'avons vu un peu plus tôt avec « once a week ». Alors, comment direz-vous, en employant cette dernière construction avec « used to » suivi du verbe « to see », « s-2-e », comment direz-vous, « je la voyais toutes les semaines ». I used to see her every week. I used to see her every week. Et nous avons pris l'habitude d'être ensemble, together, T-O-G-E-T-H-E-R. Donc je vous aide un peu. On va employer la forme du passé de to get. Alors, and we got. And we got used to being together. And we got used to being together. OK. Alors, je crois qu'à ce stade, vous avez bien compris l'emploi de to get pour exprimer un changement dans le sens de devenir. Mais notre verbe caméléon recouvre encore d'autres sens, et notamment celui d'obtenir. Par exemple, si vous voulez dire « il était impossible d'obtenir de l'aide », vous pouvez bien sûr employer l'équivalent du verbe « obtenir », donc un verbe en tenir, c'est-à-dire to obtain. To obtain, oui. Mais on emploiera plutôt to get, qui est beaucoup plus courant. Alors comment direz-vous il était impossible d'obtenir de l'aide en employant to get? It was impossible to get help. It was impossible to get help. Et si réponse se dit response, R-E-S-P-O-N-S-E, et comme vous le savez peut-être, intéressant se dit interesting, comment traduirez-vous cette phrase? Elle a fait un appel téléphonique et a obtenu des réponses intéressantes. Alors appel téléphonique se dit telephone call, littéralement téléphone appel. Alors encore une fois, elle a fait un appel téléphonique. She made a telephone call. She made a telephone call et a obtenu des réponses intéressantes. Alors ici, on emploiera some pour traduire des. And got some interesting responses. She made a telephone call and got some interesting responses. Le mot response a l'avantage d'être facile à retenir puisqu'il ressemble au mot français réponse. Mais sachez que l'on ne l'emploie que dans le sens de réaction. Le mot le plus courant pour parler d'une réponse est answer, A-N-S-W-E-R, et nous y reviendrons bientôt. Bien, et si ready, R-E-A-D-Y, veut dire prêt, comment dira-t-on « j'ai obtenu confirmation que le travail sera prêt demain matin » I got confirmation that the work will be ready tomorrow morning. I got confirmation that the work will be ready tomorrow morning. Bien. Alors, to get, notre verbe caméléon, peut correspondre à obtenir, recevoir ou encore avoir. Alors, on a déjà vu que les cheveux se traduit hair au singulier sans the. Alors, comment direz-vous, en parlant par exemple de votre oncle, j'ai eu une surprise quand je l'ai vu. I saw, S-A-W, pour dire je l'ai vu. Donc, quand je l'ai vu avec les cheveux longs, littéralement, quand j'ai vu lui, him. I got a surprise when I saw him with long hair. C'est ça. I got a surprise when I saw him with long hair. Et si c'était une femme, au lieu de him, on emploierait her. I saw her. Bon, alors je crois que vous avez bien compris que to get peut revêtir de multiples sens. En anglais, on dira you've got the message. Vous avez reçu le message. En d'autres termes, vous avez pigé.